Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Encore une fois, on a plein de bonnes musiques à vous faire entendre et on va commencer ce soir avec un second extrait de l'album solo de Anthony Kalugin, le musicien derrière Carfagen, Sunchild et Akko. Et on aura aussi de la Norvège, une nouveauté, un groupe que j'adore, Professor Tip Top. C'est un 7e album studio qui s'en vient. C'est un premier extrait. J'ai pas de date précise pour le lancement de l'album qui aura pour titre Lanes of Time. Et c'est la pièce titre qu'on va entendre ce soir, Lanes of Time. On aura aussi de Sicile, d'Italie, Alcantara, qui lance un nouveau EP de visite. Et puis Marc, je pense après ça, on s'en va faire un tour du côté des Pays-Bas et aussi du Japon. En effet, on aura la formation Fractal Mirror, qui a été fondée par des musiciens d'Amsterdam, et c'est leur 5e album en carrière, l'album Beyond Borders, qui va paraître le 15 octobre prochain. On aura la pièce Shadowman. On aura également une formation japonaise, Accept, ne pas confondre avec cette formation heavy metal des années 80. Alors, c'est l'album Apogée, qui est paru lundi cette semaine, donc le 27 septembre. C'est leur 7e album et c'est le projet d'un multi-instrumentiste du nom de Isao. On aura la pièce Blue. Mais tout d'abord, comme vous l'annonçait Michel, Anthony Kalugin, Professor Tip Top et Alcantara. We'll be right back. passing by. The recognition of my face and hands, the signals that I tried to hold inside. Accumulating fears can overwhelm. As friends depart, it seems that I am all alone. Even morning light has changed somehow. The colors of the day we call our home. What has become of me? There's nothing here to see. At night I dream of better things in the light that I cannot see. Symphony of sight and silence. Then comes the light and they just disappear. As I dissolve, the answer seems so clear. Seems so clear. At night I sail above these dreams, these burning lands. Salut, c'est Sébastien Lacombe. Écoutez mon nouvel album Fly en diffusion à CKRL 89.1 Québec. I was born to fly. I was born to fly. Away. Someday. Like the birds when come. Cet automne, le Palais Montcalm vous offre la musique à son meilleur, en salle ou en webdiffusion. Marie-Denise Pelletier célèbre le répertoire de Claude Léveillé avec la Symphonia de Lanaudière. Une soirée intime avec Lef Volbeck et Dylan Phillips. Martha Wainwright et les chansons du nouvel album Love Will Be Reborn. La grande dame du jazz Holly Cole et l'étoile montante Laila Bialy. Découvrez tous les autres concerts au palaismontcalm.ca. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Amateurs de groove, de funk, de jazz, de soul et surtout d'afrobeat, tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous. Messieurs Dynamite. Messieurs Dynamite, c'est quatre animateurs qui se partagent chaque semaine la barre de cette émission riche et colorée. Vendredi soir, 18h30, au 89.1. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On poursuit avec un groupe dont on vous a présenté un spécial la semaine dernière, c'est-à-dire The Watch. Donc, la semaine dernière, on avait une heure. C'est un survol de la carrière, de la discographie de The Watch, avec Simone Rossetti comme, on pourrait dire, comme animateur. Et puis, ben, on va, pour ce second bloc, on va aussi écouter du The Watch, mais un extrait de leur plus récent, The Art of Bleeding, qui, en tout cas, je pense que c'est un des bons disques du groupe depuis, je dirais, là, Vacuum. Je veux rien enlever aux autres, là, mais qui sont eux aussi de bons albums. Mais je pense qu'il y a comme un changement un peu au niveau du son pour cet album, The Art of Bleeding. Un disque qui a été, bon, comme pas mal de disques récents, a été composé et enregistré pendant la pandémie. Et je pense que ça se reflète un peu aussi dans le choix des sonorités. Et puis après ça, ben Marc, je pense qu'on reste en Italie avec un groupe que j'ai découvert tout récemment. Ça peut être spécial. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais très bon groupe italien. Oui, il s'agit de la formation italienne Il Fano dei Marmo. On avait fait jouer il y a quelques semaines un extrait de Tuonen Titar, un hommage au rock progressif finlandais. La formation présentait une pièce donc sur ce projet. On parle maintenant ici de leur album Canti, Racconti e Battaglie. C'est leur plus récent album, paru en 2013. On aura la pièce Up Frog. On aura également une formation américaine qui a pour nom Harpo Jarvi. C'est leur second album qui va paraître le 15 octobre prochain. Un album qui a pour titre Abuelo Blanc. Et le titre de la pièce est assez spécial. C'est un jeu de mots avec l'aspartame. Donc c'est Apartami Aspartami. Donc de Harpo Jarvi. Mais tout d'abord, la formation italienne The Watch. afternoon. Working day is over. In her prize, hay from the bush clover. Dusty air shows that it's late summer. Far away, one of the last runners. Fearful thoughts, why waiting for so long? Final shot, since I'm missing my natural chance today. Buses go where I hope I'll do good anyway. In this place, I left no trace. Ha ha. safe outside. Fever, a grain, dropping insane. I watch the burning jail. Possession is far from love, I say. When insane hearts guilty eaters, violence is far from love. It's indeed when insane hearts are flame. Birds. Il deforme presto un piano elaborò su sta pura.

on aura un duo italien avec une formation légendaire des années 70, la formation Alpha Taurus, qui avait présenté un seul album en 1973, juste avant leur dissolution. Ils se sont reformés en 2010, ont présenté des spectacles et également un second album officiel qui a pour titre Atto Segundo. On aura la pièce Valigie di Terra de donc Alpha Taurus. On aura également la formation italienne Gan Eden, qui a aussi pour nom Il Giardino delle Delizie. Alors, ça fait référence au Jardin du Paradis. C'est tiré de leur troisième album, Ritratto di Ballerina. Ça sera la pièce titre. Et c'est un projet du claviériste Angelo Santo Lombardi. La formation a maintenant 5 albums à son actif. Alors, on y va donc avec Alpha Taurus et Gan Eden. Fermo qui, non resterò, ho deciso che non è la mia realtà. Seguirò la strada che mi emozionerà, così rinascerò. Qui le scuse per i miei no, porto via solo le cose che contano.

gente vivente oramai non è più attesa ormai. Quel che è stato è stato ormai, al fine è diventato splendido. Fondo all'anima, ma tu non c'eri soir. Pour conclure l'émission, on va vous laisser avec un extrait de l'album The Epic Quality of Life du défunt chanteur Sean Guérin. En fait, je le décris comme chanteur, mais on pourrait plutôt parler de multi-instrumentiste. Sur son album, il tient la batterie, les claviers, la guitare, la basse et évidemment le chant. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et je vous invite, avant de nous quitter, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Sur ce, ben, bonne nuit à l'écoute de CKRL. The day so much grandeur to behold. The king and queen made the bond of love unite, dancing and feasting well into the night. Celebrating and clapping ears well in the past. This was not a bond that was meant to last. For the queen had her eye on the prince on the stage. She cast it all away, the wealth and the greed. They met in the meadow while she was picking flowers, far away from the castle's high towers. Their eyes had locked, a friendly embrace. The prince had never seen such a beautiful face. But looking not far away, hidden by shrubs, was a trusty king soldier, a terrible thug. This could mean the queen's lovely head, and talk to the prince until he was dead. So the thug of a soldier brought the king news, such treachery and treason he would accuse. With this report he would confront the queen. Trollop! Pop! Elizabeth, le monde se fout de toi, ni plus ni moins. Ton univers ne changera pas. Salut, ici Jason Bajada. Écoutez ma chanson Elisabeth en diffusion à CKRL 89.1. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. CKRL 89.1, Québec. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe.